Section 45 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lui par Christiane Jehanne. Deuxième partie, chapitre 14. Emmanuel accueillit avec enthousiasme l'idée de M. Portail. Étudier les maîtres de la peinture et de la sculpture dans un but déterminé, ce serait fort intéressant. Parcourir chaque jour avec Charlotte les musées de Paris et les collections particulières, ce serait charmant. Il voulut se mettre au travail dès le lendemain et il obligea le vieux savant, qui ne s'était jamais couché après 10 heures, à rester dans son cabinet pour lui rédiger le questionnaire auquel leurs observations devaient répondre. En voyant cet empressement, Charlotte s'applaudit de son projet. Le travail achèverait ce que la tendresse avait commencé. Ce que M. Portail demandait était des plus simples et n'exigeait pas des connaissances spéciales, soit en anatomie, soit en peinture ou en sculpture. Il s'agissait de passer attentivement en revue toutes les œuvres des maîtres anciens et modernes qui se trouvaient à Paris et de noter comment ces maîtres avaient rendu les diverses émotions qui peuvent nous agiter, la joie, la colère, la haine, la honte. Au premier abord, le champ paraissait immense, et d'une telle étendue qu'il faudrait de longs jours et de longs mois pour le parcourir. Mais bientôt, il s'était singulièrement restreint, car à part quelques exceptions, les maîtres anciens comme les modernes ont plutôt cherché la beauté et le pittoresque que l'expression de la vie. Pour un Laocoon, des centaines de Vénus aux beaux bras, pour un philosophe, des milliers d'officiers, de chevaliers, de seigneurs en soie ou en velours. Cependant, malgré cette déception à laquelle ils n'avaient pas tout d'abord songé, ils purent faire encore dans les musées de longues promenades pleines d'intérêt. Ils partaient après leur déjeuner pour le Louvre, puis, après avoir passé 2 ou 3 heures dans les galeries, ils rentraient chez eux mettre en ordre leurs observations, après les avoir discutées et les avoir contrôlées par les impressions de l'un et de l'autre. C'était alors de longues conversations, d'interminables digressions qui souvent les conduisaient jusqu'au soir, et plus d'une fois, quand on venait annoncer que le dîner était servi, Emmanuel s'écriait « Déjà ?» Ainsi leur temps se trouvait rempli, ainsi leur journée avait un but. Mais peu à peu, Emmanuel montra moins d'ardeur pour cette étude qui, pendant les premières semaines, l'avait véritablement passionné. Il eut des prétextes pour ne plus aller au Louvre, et souvent, en travaillant dans son cabinet, Charlotte le vit poser machinalement sa plume et rester les yeux fixes, perdus dans l'espace, regardant devant lui sans voir et murmurant entre ses dents des mots inintelligibles. Alors l'inquiétude s'empara d'elle de nouveau. Que trouver pour l'arracher aux tristes pensées qui malgré tout le dominaient? Qu'inventer? Plus tendre, plus attentive, elle ne pouvait pas l'être. Cette tristesse fit de rapides progrès, et si pendant les premiers jours il s'était efforcé de la cacher, il la laissa bientôt librement paraître, et même il en parla. « Travaillons, » disait-il tout à coup, en reprenant sa plume. « Tu ne devrais pas me laisser m'absorber ainsi dans mes pensées. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé quand tu m'as vu poser ma plume ?»« Parce que j'ai cru que tu avais à réfléchir. » « Eh oui, réfléchir, mais c'est justement ce qu'il ne faut pas. Je suis comme un homme qui tombe malgré lui dans le sommeil. Il faut m'empêcher de dormir, encore si je dormais, mais je rêve éveillé. » Il se serra la tête comme pour comprimer sa volonté et la retenir. Toujours la même angoisse. Si je pouvais dépasser l'âge de ma mère, tout est là. Il y a des enfants pour lesquels on attend des crises critiques. 7 ans pour eux est une date fatidique. Moi aussi, j'attends mes 7 ans. Arriverai-je jamais là? Alors tout sera fini, perdu ou sauvé. Je compte les jours, je compte les heures. Quand tu me vois les yeux sur la pendule, je compte les minutes écoulées et celles qui me restent à courir. Quand tu n'es pas avec moi, je passe mon temps le nez dans le calendrier. Travaillons, dit-elle, pour ne pas le laisser persister dans ce courant d'idées. Sois certaine, chère femme, que je sais gré de tes efforts. Tu es admirable de soins et de prévenances. Ce n'est pas un reproche que je t'adresse quand je te dis qu'il faut me secouer. Assurément, tu fais tout ce que tu peux, plus que tu ne peux. Encore un peu de courage. Nous n'avons plus que quelques semaines, que quelques jours. Les nuits aussi devinrent mauvaises. Souvent, Charlotte l'entendait allumer brusquement une bougie. S'il avait voulu lire, elle aurait compris qu'il eut besoin de lumière. Mais il ne lisait point, et il restait dans son lit, les yeux ouverts, avec l'expression de la frayeur empreinte sur le visage. Quelquefois aussi, au milieu de la nuit, dans l'obscurité, elle l'entendait crier. Alors, si elle accourait près de son lit, le premier mot qu'il lui disait était « De la lumière, une bougie, vite, vite, je t'en prie !» Puis, il voulait qu'elle restât près de lui et qu'elle lui tînt la main. Aussitôt, il se calmait et sa main brûlante reprenait sa chaleur naturelle. Il lui demandait pardon de l'avoir ainsi éveillée. Mais quand elle l'interrogeait pour savoir ce qui l'avait troublé, il refusait de répondre, ou plus justement, il se rejetait sur des explications qui étaient évidemment arrangées pour atténuer la vérité ou même pour la cacher. Il avait eu le cauchemar, ou bien une mauvaise digestion, ou bien une autre explication encore. Ce fut seulement après qu'elle eut longtemps prié et supplié qu'il se décida à avouer la vérité. « J'ai peur de l'ombre, » dit-il, « non pas parce qu'elle est l'ombre, mais parce qu'elle donne aux formes sensibles et visibles aux rêves de l'esprit. Je le vois, il me faut la lumière pour être certain que je me trompe. » Ainsi, rien de ce qu'elle avait essayé n'avait réussi. Tendresse, travail, tout avait été inutile. L'obsession à laquelle il cédait n'avait disparu que pour quelques semaines. Elle n'avait pas été domptée. Elle réapparaissait, plus menaçante que jamais. Quel caractère allait-elle prendre ? Pleine d'anxiété, elle ne savait plus que faire. La frayeur de la date fatidique qui oppressait Emmanuel l'avait à son tour gagnée. Maintenant, elle était presque certaine que cette date ne se passerait pas sans une catastrophe. Et chaque jour qui s'écoulait rendait le danger plus imminent. Autrefois, doux et facile, avec les domestiques, Emmanuel était maintenant irritable et emporté. Pour un rien, il avait des accès de colère terribles. Et en se cachant de lui, elle était obligée d'intervenir pour faire rester ceux qui l'avaient chassé et que le lendemain, il eût été le premier à redemander. Même contre elle, il avait de ces emportements que rien ne justifiait. Et dans son irritation, il en venait parfois jusqu'à lui reprocher la tendresse qu'elle lui témoignait. « Pourquoi m'embrasses-tu ? Je ne croyais pas te contrarier. Tu sais bien que ce n'est pas cela que je veux dire. Je te demande pourquoi tu m'embrasses avec ces yeux émus. Tu as beau vouloir sourire, tu ne me trompes pas. Je vois bien que tes yeux sont mouillés et que tes lèvres sont frémissantes. Tu es donc bien inquiète que tu laisses ainsi paraître ton émotion. Je ne suis pas inquiète le moins du monde. Pourquoi n'es-tu pas franche ? Est-ce là ce que nous nous étions promis ? Je ne m'aperçois pas moi-même de mon état. Mais je suis la marche de ton inquiétude, et par là, je sais à quoi m'en tenir. Tu es troublée, tourmentée, beaucoup plus que tu ne l'étais il y a 8 jours. Pourquoi ne veux-tu pas en convenir ? Ce serait plus honnête. Pourquoi serais-je plus tourmentée ? C'est ce que je te demande de me dire. Devrais-tu avoir avec moi ces ménagements, bons pour un enfant ou un vieillard ? Je n'ai pas conscience de mon état. Tu sais très bien que le propre des gens privés de leur raison, c'est de croire précisément qu'ils sont raisonnables. Que suis-je ? Je n'en sais rien. Il y a des heures où je crois avoir ma raison, mais il y en a d'autres, la nuit surtout, où je crois l'avoir perdue. Qui a sa raison dans le rêve ? Toujours me rassurer, quand au contraire, je te demande de m'éclairer. En qui avoir confiance si ce n'est en toi, si dévouée, si aimante ? Mais voilà justement parce que tu m'aimes, tu crains de me dire la vérité. Quelle vérité ? Celle qui te désole et te remplit de crainte. Enfin, écoute-moi et fais-moi la promesse que je vais te demander. D'avance, je m'engage à ce que tu peux désirer. Ce que je suis aujourd'hui, je n'en sais rien, puisque tu refuses de me répondre. Mais si le présent est certain pour moi, l'avenir l'est bien plus encore. Que serai-je demain ? Sens-tu tout ce qu'il y a d'effrayant et de vertigineux dans cette interrogation ? Cette interrogation est celle que nous pouvons tous nous poser. Que serons-nous demain, morts ou vivants ? C'est le secret de Dieu. Mourir n'est rien. Ce qui est tout, c'est... Elle lui mit la main sur la bouche. Le mot m'épouvante assez, dit-il, en continuant, pour que je ne tienne pas à le prononcer. Enfin, si cela arrive, promets-moi de ne pas me mettre dans une maison de santé. Mon Dieu ! S'écria-t-elle. Je t'en prie. mais de la main il l'arrêta. « Laisse-moi prendre cette précaution, dit-il. Il paraît tout naturel qu'en prévision de la mort, on fasse son testament. Moi, c'est un engagement que je te demande en prévision de cette autre mort, non moins effrayante. Je ne donne pas, j'implore. Il me semble qu'alors tu n'auras pas plus de peine à me soigner malade que tu n'en as en ce moment pour m'empêcher de devenir malade. J'ai une peur effroyable des maisons de santé. L'engagement que tu me demandes, je jure de le tenir. Oh non, pas ainsi, je t'en prie. Je ne veux pas d'un engagement en termes aussi précis, car il peut très bien arriver qu'il faille quand même me placer dans une maison de santé. Il y a des malades qu'on ne peut garder sans danger pour soi et même pour eux. Si je suis dans ce cas, il faudra bien me mettre dans l'impossibilité de nuire aux autres. Mais d'un autre, je puis aussi ne pas être dangereux. Alors je te supplie de me garder près de toi. C'est là une tâche terrible que j'impose à ta jeunesse, mais tu es femme à l'accomplir jusqu'au bout, courageusement. Oui, jusqu'au bout. Près de toi, il me semble que si ce que nous redoutons se réalisait, je guérirais. Dans une maison de santé, jamais. L'engagement que tu demandes, dit-elle, je suis prête à le prendre, mais c'est à une condition. Des conditions, dit-il, en passant instantanément de la prière à la colère. Une seule, qui est de ne plus revenir sur ce sujet. Si tu prends l'engagement que je te demande, je n'aurai pas de raison pour revenir sur ce sujet. Je serai tranquille, autant qu'on peut être tranquille quand on a un couteau suspendu au-dessus de la tête et qu'on voit le fil qui le retient s'amincir chaque jour. Je le prends, et une fois encore, je te jure que je le tiendrai. Dans les termes que je t'indique. Dans les termes que tu veux. Fin de la section 45.